À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, les masses médias russes ont fait paraître des numéros spéciaux. La revue d'internet Rinchuchi a affirmé que la victoire du peuple coréen dans la dernière guerre, provoquée par les impérialistes américains, est le résultat de l'habileté militaire et de la direction imminente du président Kim Il-sung. À cette occasion, elle a présenté la photo du président. L'homepage internet de l'Institut du Kim-Il-sungisme Kim Jong-lisme a donné un écrit titré « Défaite cuisante des États-Unis » avec un tableau de peinture montrant l'indignation implacable des militaires et civils coréens envers les Américains, alors que l'homepage internet irkutskblogspot.ru a inséré les articles variés comme « Le 27 juillet de la Corée ».